Les hirondelles. 1. Elles me donnent ma leçon de chaque jour. Elles pointillent l'air de petits cris. Elles tracent une raie droite, postent une virgule au bout et brusquement vont à la ligne. Elles mettent, entre folles parenthèses, la maison où j'habite. Trop vives pour que la pièce d'eau du jardin prenne copie de leur vol, elles montent de la cave au grenier. D'une plume d'ailes légères, elles bouclent d'inimitables paraphes. Puis deux à deux, en accolade, elles se joignent, se mêlent, et sur le bleu du ciel, elles font tache d'encre. Mais l'œil d'un ami peut seul les suivre. Et si vous savez le grec et le latin, moi, je sais lire l'hébreu que décrivent dans l'air les hirondelles de cheminée. Le pinson. Je trouve l'hirondelle stupide. Elle croit qu'une cheminée, c'est un arbre. La chauve-souris. Et on a beau dire de nous deux, c'est elle qui vole le plus mal. En plein jour, elle ne fait que se tromper de chemin. Si elle voulait la nuit comme moi, elle se tuerait à chaque instant. 2. Une douzaine d'hirondelles à cul blanc se croient sous mes yeux avec une ardeur inquiète et silencieuse, à un espace limité comme une volière. C'est à mon nez un tissage rapide d'ouvrières pressées par le temps. Que cherchent-elles éperdues dans l'air criblé de leur vol? Demandent-elles refuge? Ont-elles quelque adieu à me dire? Immobile, je sens la fraîcheur des souffles légers et je crains, j'espère une rencontre où deux de ces folles se briseraient. Mais, d'une adresse qui décourage, elles disparaissent, tout à coup, sans un choc.